Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Saguenay de Chicoutimi. Hier, les Saguenay qui ont perdu 4 à 2 contre l'équipe des Tigres de Victoriaville. À noter que dans ce match, Zachary Lavigne et Kevin Klima ont marqué des buts pour les Saguenayens, donc les Sags qui s'inclinent. Maintenant, parlons des Huskies de Rouyn-Noranda. L'équipe de Gilles Bouchard était également en action hier. Et les Huskies qui ont perdu 3 à 0 contre l'Océanique de Rimouski. On va toujours parler de hockey maintenant. Il y avait du hockey simple lettre qui se déroulait au cours des derniers jours. D'abord dans la catégorie Atombéguin des épreuves normandins 6 à 1 sur les Aiglons d'Allemagne. Les Sénateurs de Saint-Félicien ont gagné 4 à 1 sur les Aigles d'Allemagne. Et les épreuves normandins ont gagné 1 à 0 sur les Sabres de Roberval. Dans le Bantam A, gain des Monarques de Saint-Ambroise sur les Hurricanes de Roberval. Et dans le Bantam B, gain de Saint-Ambroise 7 à 5 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Maintenant, à noter que toujours dans le Bantam B, le Marcos Paul de Saint-Félicien a défait le garage Roger Lavoie 4 à 3 et gain de 12 à 1 du Marcos Paul contre les Aigles d'Alma. Maintenant, parlons d'Alexandre Gagnon, le joueur de Dolbeau-Missassini qui a terminé sa carrière de football avec l'Université de Sherbrooke au cours des derniers jours. Et il s'est dit quand même content de son expérience avec Sherbrooke. Je ne peux pas dire que je suis pas content, mais de ma vision d'athlète à moi, il y a toujours des choses que j'aurais pu mieux faire, des choses que j'ai pas faites. On regarde tout le temps vers l'arrière en regrettant des choses qu'on n'a pas faites. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que j'ai eu une très belle carrière, j'ai eu des bonnes saisons, j'ai eu la chance de jouer à chaque année, ce que peu de joueurs ont la chance de faire. J'ai pas eu de blessures qui m'ont mis loin du terrain, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis fait repêcher, donc ouais. Oui, je pense que mes 5 années à Sherbrooke se sont vraiment bien passées. Alexandre Gagnon nous parle de son plus beau souvenir. Les choses qu'on vit comme étudiant athlète à l'université, c'est incroyable. Je pourrais te parler de matchs comme ma première année, quand on avait battu Montréal chez eux, quand personne n'y croyait. Tous les moments que j'ai passés avec mes frères ici, des soirées mémorables, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. D'en choisir un comme ça, c'est vraiment difficile pour moi. OK. Et c'est-tu un regret? Et le fait d'avoir joué pour les Stampeders de Calgary l'a aidé considérablement. Par contre, il est un peu déçu quand même de sa saison. C'est sûr que j'ai amené vraiment beaucoup de choses avec moi ici. J'ai appris énormément de nouvelles choses. Mais je pense que ça m'a mis beaucoup de pression. Personnellement, je trouve que j'ai eu une moins bonne saison cette année qu'à l'année dernière. Okay. Mais évidemment qu'avec mon camp là-bas, les attentes étaient vraiment hautes que les gens mettaient et que moi je me mettais aussi. Puis j'ai été utilisé à vraiment plusieurs choses, si je peux dire, en défensive. Moi, ma force, le monde le savent, c'est de mettre de la pression sur le carrière. Puis souvent, dans notre système défensif, en deuxième élan, je m'en allais en couverture de passe. C'est une tactique qu'on fait pour mêler les corps adverses. Puis sur la ligne défensive, il y avait juste moi qui était capable de faire ça. Fait que c'est des petites choses tactiques comme ça qu'on fait, que j'ai pas nécessairement eu l'année que je m'attendais d'avoir. Okay. Mais tout de même, je pense que statistiquement parlant, j'ai eu plus de plaqué que les dernières. Des choses comme ça. Mais moi, je suis un peu déçu de ma dernière année. Mais... Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Il y a plusieurs entrevues encore une fois. On a parlé d'abord avec Alexandre Gagnon de Dolbeau-Missassini. On s'est également entretenu avec Patrice Gagnon des Sabres de Roberval. Et Alex Agostino, qui a bien connu Roy Halladay, nous parle évidemment de sa carrière. On sait que Roy Halladay est décédé tragiquement mardi tout près de la Floride. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.